Le respecté maréchal Kim Jong-un s'est fait photographier en souvenir avec les participants à la 8e conférence de l'Organisation des enfants de Corée. À son apparition sur le terrain de prise de vue, les délégués lui ont offert les bouquets de fleurs et noué le foulard rouge. En soulignant que la présente conférence sert d'occasion importante pour développer davantage l'Organisation des enfants de Corée en formation honorée à jamais des noms de Kim Il-sung et Kim Jong-il, il a félicité chaleureusement les participants à la conférence pour avoir manifesté dans le monde entier l'esprit des 3 millions de membres de l'Organisation des enfants qui se préparent en relève fiable de l'édification d'une puissance socialiste et de l'union de la jeunesse en continuant les traditions du corps des enfants anti-japonais et la lignée du Pekto. Le maréchal Kim Jong-un s'est exprimé convaincu que les participants à la conférence opéreront un nouveau tournant révolutionnaire dans le travail de l'organisation et renforceront leur organisation en rang de maître de l'avenir de la puissance Pekto-san, toujours prêt pour la Corée socialiste, avant de se faire photographier en souvenir avec eux. Y ont pris part Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, Lee Il-hwan, chef de département du comité central du parti, et Chun Yong-nam, premier secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse kim il-suniste, kim jong-liste.